Êtes-vous prêt pour une vague de nouveautés? C'est la chance au coureur Summer Spectacular 07 Live Part 2! Bonjour et bienvenue à la Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous, comme à chaque semaine. Je m'appelle Mathieu Plante, mais je vais prendre les présences à la place. Je pense que c'est pas pire de prendre les présences. Caroline Coutier. Oui, okay. Et je lève ma main en disant cela. Mathieu Plante, allô? Présent. Je pense que ça fait le tour. Ouais, et toute l'équipe fictive également. Toute l'équipe fictive est là. Applaudis! Hey, une chance qu'on les a ceux-là, parce que sinon, je sais pas comment on ferait une émission complète. Et hein? On s'ennuierait, là. Si on n'avait pas nos recherchistes, réalisateurs, producteurs, associés, caméramans, etc. Oui, on a des caméramans à la radio. Ouais, qui filment nos exploits radiophoniques et qui gardent ça en archive. Ouais. Au cas où qu'on aurait une poursuite quelconque, qui vont pouvoir vérifier les cassettes. Ouais, en plein ça. Donc, bienvenue au Summer Spectacular 07 Live, deuxième partie. Je vous l'ai expliqué la semaine dernière, mais si vous n'étiez pas présent, voici un petit peu le concept de l'émission. On a un directeur musical assez fou. Alain Lefebvre. Oui, bonjour. D'accord. Alain. Bonjour, vous le connaissez de Rock Classique les vendredis à 13h. Cette semaine, il est en vacances. Et d'habitude, ce qu'Alain Lefebvre fait, c'est qu'il va recevoir les CD, il va les déballer, il va les trier en catégorie électronique, alternatif, francophone, reggae. Il est tellement fin, Alain. Tellement fin. Il enlève les Marie-Mé, Wilfred le Poitillé, etc. Marie-Hélène. Marie-Hélène Philibert, puis Annie Milneuve. Ah, Annie Milneuve. Annie Milneuve. Ouais. C'est ça. Donc, c'est ça. Et nous, à la place, ce qu'on va faire cette semaine, c'est les découvrir devant vous. Ils sont toujours emballés, en tout cas la plupart d'entre eux. Et on a quelques petites informations à vous donner. On va avoir beaucoup de plaisir. Oui, beaucoup de plaisir. Beaucoup de surprises, je pense. Absolument. Et là, Caroline, je vais te demander, vu que t'es là, comme ça, c'est le fun de t'avoir. Oui. Pourrais-tu me prendre un CD au hasard, s'il te plaît, pour commencer? Au hasard, bien certainement. Ça, c'est ce que je préfère de l'émission. Donc, il n'est pas emballé pour commencer. Je pense que ça va être plus facile pour nous. Ce que je préfère, c'est de piger sans regarder. Et j'ai pigé cette semaine, Corpse Circus Review. Okay. In Living Stereo. Donc là, je sais comme pas spier le nom du groupe et tout, parce que là, il y a Corpse Circus Review, In Living Stereo, puis The Lonesome Valley Singers. Donc je sais pas qu'est-ce qui est quoi. Mais, j'ai hâte de voir ça. Ouais, moi aussi. Et puis je vais regarder si on n'aura pas des informations à vous donner sur eux pour trouver, dans le fond, quel est le nom du band. Uh-huh. Puis on va aller écouter une petite pièce. Je la crois, pièce puis, ah ben oui. Absolument. Qui est laquelle déjà? Corpse Circus Review, parce qu'on dirait que le nom du band, c'est The Lonely Valley Singers. Ben voilà. Et on s'en va écouter ça tout de suite à la chance au coureur Summer Spectacular. Sur les ondes de C'est Fou, 89.1 FM. À Trois-Rivières. Mais oui. Et en passant, oui. Téléphonez-nous si vous avez des informations, des renseignements, des plaintes à faire. Absolument. À propos de nos caméramans, peut-être. Ouais, peut-être. Ou si vous trouvez que la musique est vraiment pas bonne, que vous voulez qu'on l'arrête. Ça arrive. 819-376-5183. 376-5183. Exactement. Hey. We're a band on the stand, playing folk songs in the Third World War. When we die, our families cry, but our souls will sing forevermore. Our corpses sleep, but our ghosts still roam. Moaning and crying, we have no home. We sing the songs that we once said. Though from the gallows our bodies hang. Where we go. What we sang, the same. The smokestack smokes the blood red. The smokestack smokes the blood red. Oh, the smokestack smokes the blood red. The smokestack smokes the blood red. With rifles and ropes, they approach the stage. prepare to hang. The ghosts of horror who have been stabbed, strangled, but their bodies were never found. Together we all sing as the factories rise, hiding behind such a clever disguise. We're all fools to believe that you're not one of them. Bunch of cowards on the sinking ship in an ocean of blood that's screaming to die, waiting for the vultures from the fiery sky. Now the furnace awaits when it's meeting time. Won't be waiting for those church bells to chime. And we sing that the smokestack smokes blood red, the smokestack smokes blood red, the smokestack smokes blood red, the smokestack smokes blood red, the smokestack smokes blood red. Blood red, the smoke stack smoke, blood red, the smoke stack smoke, blood red. Oh, the smoke stack smoke, blood red, the smoke stack smoke, blood red. Yeah, the smoke stack smoke, blood red, the smoke stack smoke, blood red. Écoutez la musique de demain. Aujourd'hui, c'est fou, 89.1. Can I reside in this house of me, where I'm gonna pass the time drunk and foolishly. So strike up the band that's long been deceived. Trust and coats as black as my heart. But every time there's a dead woman holding my hand, she drink and scream till her bones will turn to dust. Yeah! The Lonesome Valley Singers. Très campagnard comme musique. Très campagnard, très joyeux. Oui, c'est comme un country, mais pas plaintif, genre. Pas plaintif. Non, il n'y a pas de vaches qui font boue en arrière. Ouais, il n'y a comme pas de violon triste. Il n'y a pas l'odeur. Donc, on a entendu la pièce titre Corpse Circus Review. Et ensuite, c'était la pièce House of Me. Ça vient de leur nouvel album, donc Corpse Circus Review. Parlons un petit peu d'eux. Ouais. Hein, pourquoi pas. Donc, The Lonesome Valley Singers, un groupe d'alternatives country punk de Victoria en Colombie-Britannique. Oui, c'est canadien. Les membres sont Hank Williams, ça c'est leurs influences. Hank Williams, The Velvet Underground, The Carter Family, The Misfits. Leur site web c'est lonesomevalleysingers.com ou encore myspace.com/David Chenery, Chenery. Les liens vont être un petit peu plus tard sur lunechance.com. On n'a pas beaucoup d'informations. On a une biographie sur eux, mais on la lira pas au complet. On n'a pas beaucoup de temps, dans le sens que pour chaque album, on a... Combien tu estimes qu'on a reçu d'albums cette semaine, Caroline? Une panoplie, je te dirais. Une panoplie plus un. Ouais. Au moins une trentaine, je pense. Hein? Au moins. C'est pas une quarantaine. Ouais. Oh non, c'est quand même assez chargé comme émission aujourd'hui. Ça n'a même pas d'allure. Je vous rappelle le concept de l'émission d'aujourd'hui. On a reçu des CD par camion, comme toujours. Mm-hmm. Et c'est à nous de les déballer cette semaine. Oui, on les déballe et on ne les connaît pas. Encore moins que d'habitude, même si d'habitude, on les connaît déjà pas. Mais là, on n'a pas d'informations vraiment sur eux. Donc, on n'a aucune idée, ça va être quel style. Donc, ça se pourrait que le prochain album, ce soit, tu sais, de l'alternatif francophone avec touche de folk, pop. Et de death metal. C'est ça, et de polka. Ah, ben, polka. Dans le même band, ça se pourrait. Ouais. Ça pourrait arriver. Et si on est pour savoir quel genre de musique ça va être, est-ce que tu as envie que j'en pige un? Oui, si tu prends le disque de polka francophone alternative country et reggae, oui. Et touche de... Alors, je le prends à l'instant même. Oh, il est pas encore déballé. C'est drôle, hein? On va le déballer. On va le déballer. Ah, ça me donne Kenny Miller, je pense, c'est ça? Kenny Miller. Ouais, mais pas genre Miller, mais Miller. Miller avec un M-E-H-L-E-R. C'est ça. Et l'album est jaune. C'est beau. C'est sûrement du country, pop, folk, pop, heavy, metal, rock. Avec un petit peu de Christian rock. Ah ouais, absolument. Sûrement. J'aime toujours ajouter le Christian rock là-dedans. Donc voilà, je le déballe devant vous. Je sais pas si ça s'entend, mais en tout cas, le voilà en train de se déballer. Et voilà. On voit sur la couverture de l'album un arbre, une personne et une guitare avec des cordes défaites. Ouais, ça ressemble à ça. C'est assez tout. Ah, puis je crois que le titre de l'album s'appelle Now. Now! Now. Un peu comme on s'en va l'entendre maintenant. Ouais. C'est sûrement par là que comme ça qu'ils l'ont appelé. On va aller entendre ça right now. Voici la pièce 8 and 10 de Kenny Miller à la chance. Au cours. Summer Spectacular au 7 Live à CFOU 89.9. Part 2. J'avais oublié là. Part 2, très important. Part. Slip stitch into posse pass it. I bet you think I appeal to the masses. You take it only, but it's time for you to go home. Yeah, ready, set, let's go. Now it's time for the show. Whether you wanna know, now we have the place to go in time. You will see me actually not on TV. I'm up for free and I'm getting down. Uh-oh, guess who's back in town? And you can shake, rattle, roll with the sound from the underground. Wood grain gripping on my guama, I be sipping. We can play a game called Just the Tippin'. Slip stitch into posse, pass it. I bet you think I appeal to the masses. You take it or leave it, it's time for you to go home. Come on now. Slip stitch into posse, pass it. I bet you think I appeal to the masses. You take it or leave it, it's time for you to go home. It's time for you. Get up a hot second, I will take it from the top. Apply my baby's mama, I got green in my cup. Hold up, grab it, I grab the keys to the truck. It's only 10 pesos, now I'm about to tear this shit up. 8 and 10, that's a spot, meter owns the whole block. Amazing Wilma, silly Jilly, can't forget that girl from Philly. I'm out, catch me walking around when I'm back in town. Substation, 2 puffs, you pass it. I bet you think I appeal to the masses. You take it or leave it, it's time for you to go home. Yeah, come on, slip stitch into puffs, you pass it. I bet you think I appeal to the masses. You take it or leave it, it's time for you to go home. It's time for you to go home. êtes assez fou. On était quand même pas loin quand on disait le pop folk. Là, reggae, même. Ouais. Je pense que j'avais dit reggae. C'est ce qu'il se considère lui-même du acoustique reggae rock. Ouais, et puis moi, j'aime beaucoup. Et puis si ça vous intéresse, je pourrais vous parler un petit peu de ce fameux Kenny Miller. Parle-nous un peu. Kenny Miller, qui était dans le groupe Five Wise, j'en ai jamais entendu parler, mais ça a l'air assez quand même populaire. Ils ont traversé les États-Unis avec Dave Matthews Band puis The Bare Naked Ladies. Oh. C'est quand même pas rien. Pourtant, je n'avais jamais entendu parler. Mais bon, c'était juste par mon manque de connaissances. Sûr, de connaissances. Voilà. Alors, on disait que c'était un groupe quand même assez connu, qui ont joué environ 250 shows par année. C'est pas rien ça non plus. C'est un à chaque jour et demi. Ouais, c'est ça. Alors bon, on disait qu'ils ont été quand même assez populaires dans les campus d'université, dans les clubs où ce qu'ils ont joué. Sauf que, bon, à un moment donné, traversant les périodes plus difficiles, Kenny Miller a décidé de se retirer du groupe. Il a même fait un petit passage en désintox. Oh. Et bon, il s'est retiré. Il a pu penser à son avenir à lui. Et puis, bon, à un moment donné, il s'est retrouvé à Playa del Carmen, à Mexico. Au Mexique, en fait. C'est pareil comme histoire d'Hollywood, ça. Ouais. Puis, bon, finalement, il s'est retrouvé et puis il a donné ce son pop, folk, reggae, rock à sa musique. Et alors voilà, c'est comme sa thérapie, dans le fond, cet album-là. Tantôt, il nous a offert les pièces Till We Meet Again, et juste avant, c'était 8th and 10th. Ça vient du nouvel album de Kenny Miller qui s'appelle Now. Si vous voulez plus d'informations sur Kenny Miller, allez voir à l'instant même le kennymeller.com, M-E-H-L-E-R.com ou encore myspace.com/KennyMeller. Exactement. Donc, l'album, c'est Now. Maintenant, on passe à un autre album et on doit, comme toujours, piger, puisque c'est le Summer Spectacular au 7 Live. Alors, dis-moi, Mathieu, est-ce que tu veux que je pige dans la rangée de gauche ou de droite? Vas-y, c'était lequel, celui-là, à gauche ou à droite? Celui-là, c'était à gauche, je crois. Va à droite, s'il te plaît. À droite. Alors, je pige à l'instant même Amos de Transparent. D'accord. Ouais, c'est ça. Hey, Amos de Transparent, toi, ça a l'air d'être ça. L'artiste, oui, exactement, c'est même écrit sur le petit collant. L'album, c'est Everything I've Forgotten to Forget. Oh, tout ce que j'ai oublié d'oublier. Hein, c'est concept quand même. Pas mal. Sur la couverture, qu'est-ce qu'on voit? On voit un bonhomme. On voit un bonhomme, mais bon, on dit qu'il était transparent, donc je crois qu'il n'y a pas de tête, c'est ça. Et puis, il est assis sur une chaise. C'est pas mal tout. C'est pas mal tout, en effet. Ouais. Il y a un chapeau dans les mains, il le verse comme s'il y avait quelque chose dans son chapeau. Ah, j'avais pas vu, mais non, c'est vrai, j'avais pas vu le chapeau, mais c'est absolument vrai. On s'en va entendre la pièce-titre, et non pas la pièce-titre dans le sens de Everything I've Forgotten to Forget, mais bien par la pièce Title Track. Ah, c'est très concept, ça aussi. Moi, j'aime ça, en tout cas. Oui, c'est pièce-titre. Pièce-titre, littéralement, pièce-titre. Oui, pièce-titre. À la chance au courant, littéralement, Summer, Spectacular. O7 Live Part 2. Assez fou, 89.5. Hein? En plein sur, oui. Il y en a dit de plus. The one time I thought I made my mind, I felt so far behind, I struggled for air. And one day I'll get so far away, I won't even dare to say I've been running from you. Now time, your time's a wasting on me. Shooting stars, and it's a long road back. retour, plus de Amos de Transparent. Et on parle un peu d'eux. À la chose au coureur. Transparent. Eh oui. J'aime ça. Ouais. Ouais. Je pourrais pas dire qui j'aime mieux entre Amos de Transparent puis Kenny Miller. Mm-hmm. J'ai beaucoup aimé les deux. Bon. Mais bon, oui, Amos de Transparent, c'est un groupe canadien formé de Jonathan Chandler et de Christopher Wilson qui se sont unis pour parler de chansons d'amour, de perte, d'espoir et de désespoir. Comme c'est joli. Oui. Et bon, alors on dit que c'est du folk indie pop. Et l'album sortira le 28 août pour les intéressés. On a entendu deux pièces de l'album, donc Title Track en premier et ensuite All You Belly Dancers Unite, We Are But Sorrowed Men. C'est de l'album qui s'appelle Everything I've Forgotten to Forget de Amos The Transparent. Si vous voulez plus d'informations sur Amos The Transparent, allez voir le myspace.com/ Où est-ce écrit là-dessus? Wow, je le vois pas. En tout cas, le lien va être sur lunechance.com. Oui, absolument. C'est toujours là, on les met presque en temps réel sur le site. Il y a aussi le www.emotiontransparent.com. Tu vois, j'aurais juste dû te le demander. Oui, c'est écrit ici, juste sur ma feuille, c'est juste en face de moi. C'était. Fort. j'ai appris ma leçon. Oui. Caroline, puis je vois un autre CD, s'il te plaît. J'en ai rendu dans la rangée de gauche. Mmh. Alors, on va aller au début de la rangée de gauche. Oh! Mmh. C'est rose, en tout cas. En fait, j'arrive pas à lire qu'est-ce qui est écrit. Doors Gaiety. Doors Gaiety. Doors, espace, G-A-I-E-T-Y. D'accord. Doors Gaiety. L'album est bon, blanc, rose et orange. Oui, vraiment. Donc, en gros, blanc, un petit peu. Hein, blanc en fond, avec des taches rose et orange. Ouais, avec des bonhommes dessus. Un gars qui tape par terre avec un genre de tuyau de. Ouais. Fait en quoi. Mais, et en arrière, il y a des madames. Des madames drôlement dessinées. Le talent est peut-être pas mis là-dessus, peut-être plus sur la musique que sur le dessin, j'imagine. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Quelle pièce est-ce qu'on va aller écouter, Mathieu? On va écouter étrangement la pièce titre. Ah bon? Dans la première pièce. Attends, on va voir s'il répond à un titre. Là. Ah, je vois, j'ai de voir c'est quoi le titre de l'album. Oh! J'aime ça. C'est en direct. Puis on fait ça au hasard parce que c'est le Summer Spectacular au 7 Live. Voici la formation de Doers avec l'album Gaiety et la pièce Azor Get Out. Ah, voilà. À la chance au coureur. Et voici la pièce Hell No Popo. Hell No Popo. Hell No Popo. La chance! Au coureur! Musique 89.1. If you want it done right, you know what to do. Don't have to stay up all night. Take a day or two. Take your time. If you want it to last, you know what you don't. Don't get it new and half-assed. Get it secondhand. Secondhand. Trois pièces de The Doers de leur album Gaiety. Gaiety. J'imagine. On vient d'entendre Quality Products at Affordable Prices. Juste avant, c'était Hell No Popo. Et au début, c'était Azor Get Out. Des pièces d'environ 1 minute 40 chaque. Oui, à peine. Donc, The Doers, un groupe de punk acoustique autre de l'Est de Vancouver. Oui, autre. De Est Vancouver en Colombie-Britannique. Leur site web, c'est thedoers.com. C'est un trio. Bear à la guitare bass acoustique et la chanson, le chant. Don à la guitare acoustique et le chant. Et Sean à la batterie et le chant. Si vous voulez plus d'informations, myspace.com/thedoers. Ils sont en spectacle un petit peu partout au Canada. Je vais regarder s'ils n'auraient pas un spectacle au Québec. Non, ils ont un spectacle sur la rue Québec de Guelph en Ontario. Je ne savais pas qu'il y avait une rue Québec. Oh, c'est intéressant. Mais autre que ça, je ne vois pas de Québec. Quand même, les spectacles sont sur le myspace.com/thedoers. Et Caroline a sélectionné de ne pas prendre d'autres pièces. Ben, c'est pas mauvais, mais c'est pas assez bon pour qu'on en fasse jouer encore, à mon avis. Trois, c'est assez. Ouais. On continue avec un autre album qu'on pige au hasard dans notre Summer Spectacular au 7 Live oui, à la chanson. Oui, en plein ça, et puis je pige. Ah, mais non, pas eux. Non, OK. Ben, je les connais, non. Défavoritisme. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça ressemble à du métal, hein, je pense. Ouais, ben, c'est ça. Octoberman avec l'album Run From Safety. Il y a une pochette avec des animaux dessus. Ça ressemble à des buffles, si ça se peut. Des buffles? Bison? Ah, bison peut-être. Bison? Ouais. Buffalo? Ouais. Comme des ailes buffalo? Ouais, c'est ça. Ça donne faim. À l'arrière, il y a des gens qui ont l'air de se lancer en bas d'une falaise. Oui, avec une espèce d'ambulance aussi. Mm-hmm. Et puis on voit les gens arriver à la course comme ça. Devant, c'est comme tu disais, des bisons qui font la même chose, ils ont l'air de se jeter en bas. Ou à moins que ce soit... Je pense pas que ce soit une rivière, je pense que c'est vraiment une falaise. Ouais, ça laisse à l'interprétation. Mm-hmm. À l'intérieur, on voit un animal préhistorique avec un crâne avec et des ailes. Ailes. On dirait une espèce de cochon avec un crâne... À place de la tête et des ailes. C'est fascinant. Voici leur pièce By the Wayside de leur album Run From Safety. C'est Octoberman à la chance. Au coureur. Summer Spectacular. Sur les ondes de Sifu. Down-hearted blue. to sell you. No matter what you think, everybody here has got some stuff that they want to sell you. No matter what you think. But you must keep your roots to sing those blues away. Give you a call if I've gone. Doberman avec la pièce Elbow Room de l'album Run From Safety, précédée de By The Wayside, la première pièce de l'album. Opinion? Plus ou moins bonne pige de ma part, je te dirais. Ouais, je suis pas sûr. Ben, c'est très, très relax. Ben, en fait, ça ressemble à beaucoup de musique que j'aimerais en temps normal, mais je trouve que c'est un petit peu trop mélodramatique. Ouais, un peu trop et un peu trop long. Ouais, exactement. Les pièces duraient 5 minutes chacune. Justement, ils se classent dans les chansons populaires mélodramatiques. C'est un groupe canadien, on ne sait pas exactement d'où. En tout cas, c'est pas écrit sur leur MySpace. Les membres sont Mark Morissette, Rob Josephson, Graham Christopherson, C.L. McLaughlin et Leah Abramson. Voilà. Ils vont être en spectacle au Québec et à Montréal, à un endroit indéterminé pour l'instant, le 20 octobre prochain à 20h. Mm-hmm. D'accord. D'ici là, ils vont être en spectacle un petit peu partout au Canada, surtout en Ontario et puis en Colombie-Britannique. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations, c'est octoberman.ca ou myspace.com/octoberman. Exactement, et puis on est rendu à une nouvelle pige. Ben oui, une nouvelle pige au hasard dans la grosse caisse de nouveautés qu'on a reçues cette semaine. Alors bon, je viens de piger à l'instant même Himalayan Bear, Attacks the Brilliant Air. Ouais, écoute, ça a l'air bizarre un peu, je te dirais. J'arrive pas à voir qu'est-ce que c'est sur la pochette. On dirait une espèce de chevalier, donc avec une armure et un cheval, mais c'est quand même très, très abstrait. Et à l'arrière, on dirait une espèce d'oiseau mélangé avec un humain. Mathieu parlait d'un Teletubbies. Oui, ça ressemble à un Teletubbies, je trouve, de loin, il me semble. Ou au moins une créature d'émission pour enfants, mais en plus, beaucoup plus dark. Ouais. Je dirais. Donc, on s'en va entendre tout de suite, à l'instant même, la pièce Sounds Are Birds. Et c'est où ça? Ben, c'est à la chance au coureur. Summer Spectacular au 7 Live. Part 2. À C'est Fou 89.1 FM. La Radio Campus de Trois-Rivières. Avec Caroline Cloutier et Mathieu Plante. Ouais. Ça fait beaucoup de choses, hein, mais c'est tout ça en même temps, nous autres. C'est un package deal. Package deal. Ouais. Exactement. 4 pour 1. 4? Ben, j'ai plus dit un chiffre au hasard que d'autres choses, mais... Je dirais 12. 12? Ouais. Tant qu'à dire un chiffre au hasard, aussi bien l'élever un petit peu, c'est 12 pour 1. Ouais. Blank eyes and blank mind. Under cloudy skies, as the wind blows a tune into your eyes, skies as the wind blows a tune into your eyes, into your eyes. A still sound as sweet. album solo de Ryan Beatty de Chet et Frog Eyes. Ça s'appelle Himalayan Bear. L'album, c'est Attacks the Brilliant Air. Et on va entendre la pièce, la première de l'album Sounds Are Birds à la chanson pour Our Summer Spectacular. Et c'est la fin de la première heure. Déjà. Ben oui, regardons un petit peu ce qu'on a écouté depuis tantôt pour se rappeler des bons souvenirs. Oui, on écoutait premièrement The Lonesome Valley Singers. The Lonesome Valley Singers. Leur album s'appelle Corpse Circus Review. Exactement. Deuxième album qu'on a entendu, c'était de Kenny Miller, son album Now, un album que j'ai bien apprécié. Moi aussi, très enjoué quand même. Ouais. Ensuite, on a entendu Amos, The Transparent, avec l'album Everything I've Forgotten to Forget. Qu'on a bien aimé aussi. Pas si mal. Ensuite, on a entendu The Doors, avec leur album Gaiety. Très rose. Ouais, très rose. Très, c'est pas mal le son qualificatif positif qu'on peut dire. Ensuite, on a entendu tantôt Octoberman. Oui, avec son album, ou leur album, Run From Safety. Qu'on a un petit peu moins aimé. Oui, un peu moins. Et ce qu'on vient d'entendre, c'était justement Himalayan Bear, qu'on a moyen aimé aussi. Et voilà, donc jusqu'à maintenant, on est un petit peu 50-50 ou 60-40 ouais, dans ces coins-là. Pas si pire. Et ce qu'on va aller voir dans la deuxième heure, c'est quelque chose de beaucoup plus joyeux. C'est une valeur sûre ici à la chanson coureur. C'est les albums de Pluto Mayo. Une autre compilation de leur part, cette fois-ci, c'est World Hits, des succès mondiaux. On va entendre, on va voir de quel pays on va parler tantôt récemment. Ouais. C'est la deuxième heure de la chanson coureur, c'est fou, 89. Ans. Sino danginto, pamada marpa gutu, Caracalule, Caracalule, Caracalawate, Caracalawate. Chingo chingo, ma, uninga kau kenjalika. Chingo chingo, ma. Pièce de la nouvelle compilation de Putumayo presents World Hits à la chanson coureur Summer Spectacular. On vient d'entendre. On vient d'entendre Emma, une pièce qui vient du Sénégal et qui est interprétée par Touré Kounda. Mm-hmm. Et bon, Touré Kounda, est-ce que j'ai quelque chose à son sujet? Je crois que j'ai quelque chose pour toi. Ah, mais oui, alors okay. Vas-y. Je vais lire ça et tu liras la description de ce que Putumayo presents World Hits est. D'accord. On va essayer ça. Donc, Touré Kounda, l'un des groupes africains les plus populaires des années 70 et 80, ouvrit la voie au développement de l'afropop contemporaine en mettant en évidence l'existence de perspectives commerciales massives pour la musique africaine au travers de leurs propres succès. À l'origine, le groupe se composait des deux frères sénégalais Ismaïla et Sixou Touré. Ces derniers s'installèrent à Paris dans les années 70 où ils se mirent à façonner une musique à base de styles africains et occidentaux. Ils allèrent du mbalax, du high life, de la soul, de la salsa et du reggae pour donner naissance, à un son accessible. Les années passant, le groupe attira d'autres membres de la famille Touré, comme Amadou, qui mourut tragiquement sur scène en 1983 suite à une crise cardiaque. Oh. Donc, c'est triste. Tiens, je vais te laisser lire. Est-ce que tu avais un texte? Ouais, ben, j'en avais un, mais je vais prendre le tien. Il est plus court, je pense. Bon, ben en fait, non, je vais prendre le mien. D'accord, prends le tien. Je vais prendre le mien. En fait, on dit, on fait une petite introduction à la musique du monde. Alors, ça dit, pour ceux d'entre vous qui ne se considèrent pas comme des fans de musique du monde, voici quelques noms qui vous diront certainement quelque chose. Santana, Lambada, Mick Jagger. Oui, Mick Jagger. Mm-hmm. Même si la musique du monde reste sous-médiatisée dans l'ensemble, une chanson parvient de temps à autre à se démarquer en connaissant un succès international. Avec World Hits, Putumayo World Music fait les yeux doux à ces artistes triomphants qui ont transcendé les frontières en rassemblant certains des plus grands tubes de musique du genre. Cet album, dont la sortie est prévue pour le 28 août, est la toute première compilation du genre. Et pour donner un petit aperçu du reste de l'album, on trouve entre autres des hits justement qui ont eu un succès assez international. Je pense, bon, La Lambada. Ouais, effectivement. Okay. Oye Como Va. Bamboléo. Bamboléo. Et puis, Seven Seconds. Alors là, on s'est demandé, mais Mathieu n'a pas l'air de comprendre qu'est-ce que c'était. Je ne sais pas si tu avais allumé, mais. Je connais la pièce, mais je me demandais si c'était une réinterprétation. Ah, ok, ok. Voilà. Mais en fait, oui, c'est Youssou N'Dour avec Nene Cherry, qui est un hit des années 80. Leur seul, j'imagine. Oui, exactement. Ouais. C'est le seul hit, mais ça a quand même été un grand succès. Mais ça me surprend de Putumayo qui sort quelque chose avec des pièces aussi connues. Ouais. On ne s'attendait pas à ça. C'est spécial. Moi, je suis d'accord. On a pigé un autre album? Oui, on a pigé un autre album. En fait, c'est Je vais trouver le nom tantôt. Ah oui, Ilad. Ilad avec leur album National Flags. L'album est très, très, très, très joli. Dessiné à la main, presque, on dirait. C'est des images de nature avec des arbres, des singes un peu étranges et à l'intérieur, des personnages avec un bateau. Et ça a l'air très junglistique. Oui, très naturel. Voilà. Et on s'en va entendre ça tout de suite à la chance au coureur. Summer Spectacular. Thank you. musique de fond de Ilad avec la pièce National Flags. La pièce s'appelle elle aussi National Flags. C'est la pièce titre de leur album. C'est calme encore. C'est ambiant. On en a beaucoup de ça aujourd'hui. De la musique là, qui s'écoute bien, mais qui est un peu trop tranquille, là, à notre avis. Surtout pour la radio, surtout ben, pour une émission aussi enjouée, remplie d'énergie que la chance au coureur Summer Spectacular 07 Live Part 2. Oui, parce qu'en plus, c'est vraiment estival comme style de musique, on dirait, ce qu'on trouve aujourd'hui. Je pense que c'est pas le but de l'émission d'avoir la musique estivale aujourd'hui, parce qu'on aurait raté notre coup pendant le fort. Non, le but de l'émission d'aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas au courant encore, c'est que d'habitude, le directeur musical et de la programmation de C'est Fou trie les CD, les reçoit, les ouvre, les classe par catégorie, que ce soit alternatif, rap, jazz, reggae, qu'est-ce qu'il y a d'autre, électronique, métal, en tout cas. Religieux. Il y a la musique de Noël aussi, on en reçoit moins l'été, ça arrive. donc, c'est ça, d'habitude, il les classe, il enlève les artistes qui ne devraient pas jouer à C'est Fou, et puis il nous donne le reste, et nous, on les fait jouer en ordre, dans un ordre précis, genre francophone, ensuite, bon, si, ça, un genre de découlement régulier. Et cette semaine, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tout au hasard. Oui, on pige. Et puis, ce qu'on écoute avec vous, c'est ce qu'on découvre en même temps que vous, en fait. On sait vraiment pas ce qui s'en vient. Absolument on pas. On pourrait vous faire jouer de la musique de chien qui aboie à la lune avec les timinous qui font ses côtés. Ça pourrait être ça, la prochaine musique qu'on va faire jouer. Ouais, ça pourrait être puis on le saurait même pas parce qu'on l'a pas écouté avant. On le laisserait sûrement pas jouer longtemps non plus. Non. Mais, mais par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que les prochaines pièces qu'on va entendre, ça va être un bloc franco. Parce qu'on a reçu quelques albums franco, pas beaucoup malheureusement. Oui. On va surtout vous parler des albums franco qu'on a reçus, je voulais parler. Avant de faire ça, je m'excuse. J'ai oublié de parler de Ilad. Excuse-moi. On vient de les entendre, on a oublié d'en parler, c'est important. Ilad, un groupe de Richmond en Virginie aux États-Unis. Leurs membres sont Gabe Cherry à la. Wow, c'est quoi ça? Gabe Cherry qui fait Cherry Station et Voice. Que ça dit sur leur MySpace. Et ensuite, il y a Cameron Ralston qui fait la basse et la voix, Clifton McDaniel à la voix et la guitare et Scott Clark à la batterie. Il va être en spectacle un petit peu partout aux États-Unis, dont le Delaware et la Pennsylvanie dans les prochains jours. Si vous voulez plus d'informations, c'est iladmusic.com ou myspace.com/ilad, I-L-A-D. Ilad. Voilà. Maintenant, le francophone. Oui, le francophone. En fait, on a reçu une variété de disques francophones. Donc, je vous dis ça rapidement. Un variétaire. On a reçu ce qui semble être du rock. Du rap, pardon. Cyrano de Montréal. Mm-hmm. Bon, ça nous enchante pas. Est-ce que je peux ouvrir juste pour voir ce que ça a l'air? On voit un motel et un gars qui est devant avec son sac, prêt à partir pour le train, j'imagine. Sûrement. Hein? Mm-hmm. C'est des singles radio qui viennent de l'album Sac à Prête, si je lis bien. C'est ça, Sac à Prête. La pièce s'appelle Locomotiva, donc ça pourrait être un extrait. Voilà. Ouais. On a aussi reçu une compilation de 25 ans de succès de la compagnie créole. Ouh, c'est excitant, ça. Oui, alors sur cette compilation, on retrouve des succès comme C'est bon pour le moral, Bas moyenne Thibault, Ça fait rire les oiseaux, Collé-collé, Le bal masqué, La machine à danser. Bon, alors tous des grands hits qu'on ne pourra pas jouer ici à C'est Fou. Ça joue partout sauf à C'est Fou, je pense, cette musique-là. T'as même un medley dedans, t'as un medley. Ah, un medley. C'est quelque chose, ça, là. Oui. Et on a également reçu le nouvel album de Paul Daraiche qui s'appelle Mes écritures. Et on a là-dessus des chansons qui s'appellent du country. Mon métier, c'est la scène. Où serons-nous demain? Une croix sur ton nom. J'ai le goût de te connaître. Alors, que de titres inspirants. Toutes des pièces d'artistes fabuleux, là. Oui, artistes fabuleux. Bon, il y en a quand même qui ont eu un grand succès. Là. Je pense aussi à René Martel et Patrick Normand, qui ne sont pas dans mes favoris, mais c'est quand même du monde connu. Là. Isabelle Boulay. Oui, Isabelle Boulay également. On a aussi, Guylaine Gay, Claude Martel, Lynn Charbonneau, Yann David, Nicole Dumont et Régis Gagne. Ouh! Ah, on va laisser faire pour ça aussi. Ce qu'on irait entendre, Mathieu, on a reçu trois albums franco qui vaudraient la peine qu'on essaie. Qu'on essaie au moins, on va leur faire un petit road test. On commence par Mick et Tout Seul avec l'album Les Chansons Perdues. Voici tout de suite la pièce Maudit à la chanson coureur. Au début, je ressens la colère. Et puis après, je fais semblant. La lumière, je fais du noir avec du blanc. Si tu vois, c'est clair, c'est Au retour, plus de Mick et tout seul, et on parle de ce Mick. Oui, Mick. À la chance. Un coureur. Summer Spectacular. Au 7 Live Part 2. Seul, pauvre petit. Là, ce qu'on entend en fond, c'est son site web, mickestoutseul.com. Donc, la pièce Maudit, qui a commencé un peu comme ça. On a entendu la pièce Maudit au départ, Maudit. Et puis, la clé des chances avec du nouvel album, Les Chansons Perdues. Sur son site, il y a beaucoup de sections sympathiques. C'est le petit site qui cause de Michael Furnon. Je crois que ça doit être le nom de Mick, hein, ouais. T'en penses? Mick, Michael, ça arrête bien de l'allure. Bien de l'allure. Les Chansons Perdues, le premier album de Mick est tout seul, disponible en magasin en version numérique avec deux titres bonus. On voit des sections Mick et Bavard. Je ne sais pas s'il y en a une qui serait la biographie. Alors voilà, c'est reparti pour un tour. On prend presque les mêmes et on remet ça. Une tournée d'automne accompagnée de Monsieur Ash Burns et John Sears. Bâton le faire pendant qu'il est chaud, n'hésitez pas à passer nous voir, on fait des chansons tristes, mais on s'amuse bien. Vive l'humour triste et les paradoxes. Mick sur scène. Il y a une section comme ça, une section Mick est perdu, Mick est sympa. Et Mick est-il seul, sûrement parce qu'il y a un band autour de lui, j'imagine. Ça va être de ça que ça part. Ah, il y a son MySpace qui a peut-être plus d'informations utiles que son site. Son site est bien joli, bien sympathique, mais peu... peu rempli de renseignements utiles pour nous. Il vient de Montbrison-sur-Vizézy, Rhône-Alpes, en France. C'est tout un nom. Il fait du pop, vous l'aurez remarqué certainement. MickEstToutSeul.com ou MySpace.com/MickEstToutSeul. Il fait des tournées en France. Ses dates de spectacle sont sur son MySpace. Et voilà, vous pouvez acheter l'album via le MySpace aussi. C'est intéressant. Donc l'album, encore une fois, s'appelle Chansons perdues. Les chansons perdues, oui, voilà. Maintenant, on passe à notre album de francophone. Oui, on dirait un album pour enfants, parce que sur la pochette, il y a un monsieur avec plein de toutous, plein de peluches. Alors, ça s'appelle L'apprentissage de Maître J. Je ne peux pas dire si c'est le nom de l'album ou le nom de l'artiste, par contre. Dur à dire. Je sais pas. Voici la pièce indestructible. Hein? Ben oui, voilà. Pourquoi pas? À la chance du Montréal, je me sens indestructible, maître des lieux, indescriptible, une sirène à peine audible. On est surpris, hein? Ouais, c'est pas le bon. Ben drôle de type qui me tend une bible. Je pense que c'est le bon album. Montréal, Claude au linge-sale, qui me quête une clope, hors des cons d'école, puis je ne paye en robe. Détale ta pub, sauvage, les lampadaires. C'est confirmé, c'est le bon album, Caroline. C'est vrai? Ouais. On écoute et on en reparle après. Oui. On change et me dit que c'est encore le hook. Va faire ton tour après-midi pour checker what's good. Prochaine arrêt par la fontaine, puis je déballe les gouttes. À fin du soin, la nostalgie me trouve fat. Yo, fuck that, descend la côte vers centre-sud. Vers là où mes derniers rimes deviennent ton dernier tube préféré. Tu gérais tes beats sont donc ben rudes. Ben ça dépend, si quand je me lève, je me sens putain ou brûle. Les mélodies, les bons contents remplis. Le fer de toute ta force, ça se fait tout la table rase. Faites résonner les bases, ma base. Nous c'est tout Montréal. Ma tête c'est pour des jeux, on joue à mes mots sans ceux que tu avales. Le 1er juillet, je pars devant mes anciens apparts avec la tête de billet. J'ai frais, je suis bien, je marche à CDN. J'arrive de NDG, au revoir des anciens friends. J'ai habité à côté des neiges avec une fille dont je parlerai pas. C'est pas qu'elle méchante, mais bon, t'sais. En tout cas, la peinture décollait des murs, man, ça se pouvait pas. Tu te cognais les orteils, c'est me battre toutes les deux pas. Deux pièces et demie plus tard, moi pis elle, on s'est laissé. J'ai traversé la ligne bleue, squatté mes chums sur Villery. Connu sous le nom des studios IV. On fumait des badges, y'avait plus rien de bon à TV. Dans le temps que je me gilis, je travaillais pour pick-up et je passais mes nuits dans le boss à broyer. La sédentarité m'a toujours plus inspiré que les recherches spirituelles jusqu'en Nouvelle-Guinée. Les pieds ancrés en ville, silence chez rayon au cours. Les promenades insignifiantes réveillent l'éternel retour. Les pieds dansants du centre-ville forment des charmants détours que j'apprécie comme les cafés qui ponctuent tous mes jours. Aujourd'hui, je pensais peut-être aller faire un tour sur le sommet des deux tours au milieu de ma tournée. La ville, longue vie à ceux que j'ai vus dans la journée. Longue vie aux belles filles, aux gens qui courent, qui se font chier. J'suis tanné des débats creux entre les chiffres pis l'eau. Indépendant, signé, sell out ou saut. Fuck tous ceux qui se croient les pieds bien ancrés. Trop habitués à mal penser de la gravité. Fuck ceux qui nient l'enjeu de la spiritualité. C'est le retour d'un religieux qui nous a jamais vraiment quittés. Maître Gigi va à fond comme un avement parité. Le retour du religieux, c'est la fin des mélodies. Des bons contents remplis, le fer de toute la force. Ça se fait toute la table rase. Faites résonner les bases, ma base. Nous c'est tout Montréal. Ma tête c'est pour des jeux, on voit mes mots sans ceux que tu avales. Ton père rude, ton père rude. Tes pits sont ton, tes pits sont ton, tes pits sont ton père rude. Tes pits sont ton père rude, tes pits sont ton père rude. Ouais. Et ce n'était même pas une blague. Non, c'était vraiment le bon album, L'apprentissage de Maître J, le monsieur qui avait l'air si sympathique avec sa tonne de peluche. Fait du rap. C'est ça, donc le gars il est dans une couverture avec des toutous autour de lui, il a une tasse de thé ou de du thé ou du café dans sa main, comme on expliquait tantôt. À l'arrière, on voit un petit lapin en jeans, un toutou. À l'intérieur, il y a un autre un ourson qui colle le petit lapin. C'est tellement beau. C'est vraiment surprenant. Et là, je regarde ici, gars. L'apprentissage de Maître J, c'est bien écrit sur le CD, donc c'est juste la preuve pour vous confirmer la chose. On va écouter une deuxième pièce qui... oui, vous allez être surpris. Oui, on va écouter une deuxième pièce. Incroyable, mais vrai. Une pièce produite par Maxime Robin, qui est une personne admirée, assez fou. Il anime une émission sur nos ondes. J'en parlerai tantôt. On fera le tour de toutes les informations pertinentes là-dessus, rapidement. Mais voici tout de suite la pièce à la croisée. À la chance. Au cours. Assez fou 89 FM, votre radio campus. À Trois-Rivières. Thank you. les cheveux en chicane, les souliers tout pleins de trous. Mes mains qui aimantent les charmes de la femme de l'autre jour. Les lumières sont éteintes quand j'ai perdu la seule pour qui j'osais jadis attendre mon deuxième tour. Les lendemains en suspens, le corps pointé du doigt au pays où je me levais, où siège toujours deux rois. Ce soir encore une fois, rien dans les mains, j'ai rien, j'ai pas volé, même mon regard en dedans de moi. Ma face se retourne, entend des jeunes crier. Maître J. C'est ça, avec la pièce À la croisée, produite par Maxime Robin. Juste avant, c'était la pièce Indestructible. Donc, Maxime Robin, on disait que c'est un animateur assez fou. Il anime Dans mon siphon, une émission qui joue les dimanches soirs à partir de 19h. C'est une émission de trip-hop. Et voilà, et puis c'est un gars bien aimé. Il a son album aussi, Maxime Robin is a Down Tempo Kind of Guy, ah, qui était populaire et qui a joué pendant quelques semaines ici assez fou et qu'on joue encore régulièrement. Donc, mais par contre, celui-ci, l'album, c'est l'apprentissage de Maître J, de l'artiste, on s'imagine, du même nom. Ouais, hein? Mais en fait, peut-être que c'est Maître J, et l'album s'appelle L'apprentissage de Maître J. Sinon, son nom, c'est peut-être Copyright 2007, les productions NSD. Ça pourrait arriver. Ah. Ça pourrait être ça. dernier album de francophone pour cette semaine, dans ce qu'on va vous faire jouer, faire entendre. Oui, c'est Sabia, je crois. Sebaya. Et l'album s'intitule Métissage. Le disque vient tout juste de tomber par terre. C'est bon, hein? Ça paraît presque pas. Je l'ai ici. Je vais le mettre à l'endroit pour être ça. On va écouter la première pièce de l'album, comme toujours, vu qu'on n'a aucune idée de ce qu'on fait en ce moment. C'est la chanson coureur Summer Spectacular au 7 Live, où on reçoit les disques et on les fait jouer dans un désordre total avec un entrain, une énergie sans, sans précédent et avec beaucoup de plaisir. Ah, c'est ça qu'on fait. Voici la pièce Tamalou Tabaloya avec Thierry Goliris. À la chanson coureur. Assez fou. 89 ans. FM. La radio. Campus. De Trois. Rivière. Tamaloya. Tamalou. Tamaloya. Tamalou. Tamaloya. Sa. Tamaloya. Sa. Qui bouge encore? Ta gueule, le goût. Maloya, l'esprit, le corps. Quand tu sautes à nous. Qui bouge encore? T'as le goût, Maloya l'esprit, le corps. Quand tu sautes à nous, tu files à reconnaître son baiser. La cour y met sans épuiser. Un petit père, ça va des doigts, des olives dans ses vecoyers. Tu files à reconnaître son musique. La cour y met sans épuiser. Un petit père, ça va des doigts, des olives dans ses vecoyers. Tamalou, Tamaloya. Tamalou, Tamaloya. Tamalou, Tamaloya, ça. Moi n'a plus rien pour faire ici, il faut m'y savoir. La Réunion, ça notre pays. La battance, Maloya. Tu files à reconnaître son musique. La cour, il met son zipplissé. Un petit père, ça va des doigts. Des olipins dans ses vecoyers. Tu files à reconnaître son musique. La cour, il met son zipplissé. Un petit père, ça va des doigts. Des olipins dans ses vecoyers. L'héritage nous enseigne. Banalès à nous tous à la. Astère à nous-mêmes fait connaître. Notre musique nous dit la Maloya. L'héritage nous enseigne. Banalès à nous tous à la. Astère à nous-mêmes fait connaître. Notre musique nous la Maloya. Tamalou, Tamaloya. Tamalou, Tamaloya. Tamalou, Tamaloya, ça. Maloya, l'esprit, le corps. Maloya, l'esprit, le corps. Maloya, l'esprit, le corps. Qui bouge encore? Ta gueule, le goût. Maloya, l'esprit, le corps. Quand tu sautes à nous. Qui bouge encore? Ta gueule, le goût. Maloya, l'esprit, le corps. Quand tu sautes à nous. Si ton corps veut craser, laisse à l'écraser. À coups de caillon ou le triangle, assois-nous va dans le paquet. Si ton corps veut craser, laisse à l'écraser. À coups de caillon ou le triangle, assois-nous va dans le paquet. Tamalou, Tamaloya. Tamalou, Tamaloya. Tamalou, Tamaloya, ça. Maloya, ça. Qui bouge encore? Tamalou, Tamaloya, de Sabias, Bayas, Sabias, Sabaya, c'est à peu près ça. Sabia. Sabia. Tamalou, Tamaloya, c'est le nom de la pièce avec Thierry Goliris qui participe à cet album qui s'appelle Métissage. Vous avez vu que c'est pas vraiment en anglais, on s'en serait rendu compte, ça avait juste lu, en tout cas je m'en serais rendu compte, je vais prendre le blanc. pour les pièces qui s'appellent Caméras avec Badinaz, Mon Couleur, Mouinle Ayer. Ouais, mais pourtant, j'avais l'impression d'entendre, peut-être d'halluciner des mots en français. C'est peut-être, peut-être que tu devrais envoyer ça à Normand Bratoué. Ah! Hallucination d'ici. Ah, ok, ouais, oui. Ouais. Je comprenais pas, mais oui, ouais. Maintenant que tu le dis. Les blagues, faut que je les explique des fois. Castle Wally, c'est le nom du prochain album que tu viens de piger au hasard. Oui, je viens de piger. Je l'ai pris parce que j'adore la pochette. C'est un monsieur qui a l'air rétréci par ordinateur, on imagine. Un bébé avec une tête d'adulte. Oui, c'est ça, avec des pieds, bon, habillé comme un homme, mais bon, c'est un homme, qui est écrasé par une jambe et un pied avec un soulier féminin rouge. En plein dans les endroits Dans les endroits intimes. C'est ça. Et à l'arrière, à l'arrière, il y a trois messieurs qui sortent derrière un panneau où sont écrits les titres de chansons. Ouais. Et à droite, il y a une madame habillée, bon, avec un habit assez... Sexy. Assez sexy. C'est pas le mot que je cherchais, mais ça va faire l'affaire. C'est une femme d'affaires, un peu. Même. Ouais, bon. Avec une jupe courte et un téléphone dans les mains. Est-ce que c'est bien un téléphone? Je crois que oui. Oui, c'est un téléphone. Ouais, c'est bon. Il y a un effet de clonage derrière elle. Oui. On voit son image plusieurs fois. C'est bizarre. L'album s'appelle Estrogenia Dementia. Mm-hmm. Ça me fascine, moi aussi. Oui, bon, le groupe s'appelle Custard Wally. Et puis, on va vous en parler un peu après avoir entendu une pièce ou deux, si on aime ça. On verra. Ouais. À la chance! Au cours! À CFI 89.1! It's easier, it's easier, it's Custard Wally avec Easier Today de l'album Estrogenia Dementia, la chanson coureur. Oui, Custard Wally qui se considère comme un remplacement rafraîchissant, entre autres, des horreurs du hip-hop. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les leurs. Ouais, vraiment, ils viennent de New York. Et puis les membres sont Chris Guionta à la guitare et la voix, Matt DeSilva à la bass, Johnny D à la batterie, G-Rod. Se remet présentement d'avoir chuté dans les escaliers. Recovering from falling downstairs. Voilà. Et c'est à peu près ce que ça dit. Leur site web, c'est le custardwally.com. Custard, comme de la custard. Ouais. C'est ça. Custard ou pomme. Wally.com ou encore myspace.com. Barbie, qui est la même chose. Il y a de belles biographies de chaque membre et des MP3 téléchargés. Voilà. Il y a même une critique de la part de Lucid Culture qui dit que ce band est obsédé par le sexe. Il est sexiste, mais il est super drôle aussi. C'est 4 paires de sous-vêtements mangeables. Ah bon? Lucid Culture dit aussi que c'est qu'ils vont être gros sur les radios de collège. D'accord. Comme peut-être nous, pas la nôtre. Genre. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais d'autres comme nous, mais peut-être pas nous. Peut-être pas. Voilà donc pour Custard Wally, l'album, c'est encore une fois Estrogenia Dementia. Et on a reçu ça cette semaine assez fou, un peu comme tous les albums qu'on a joués depuis le début. Ça ressemble à ça. Aussi. C'est un peu le concept d'émission, genre. Oui. Et j'en ai, puis j'ai un qui m'intrigue particulièrement. Oui, je vois ça, ça s'appelle The Darkest of the Hillside Tickets. Tickets avec un H. Ah, Tickets. Avec The Shadow Out of Tim. Ça a l'air assez divertissant. Mentionnez-nous donc quelques affaires qu'on voit sur la couverture. Bon, en fait, on voit un homme, un peu difforme, si on veut. Ouais, vraiment. Transformé. Je dirais qu'il y a la figure allongée avec des choses qui sortent de tous les orifices du visage. On dirait des vers ou ouais, je sais pas, des plantes. Des vers, ouais, mais c'est ça. Mais on dirait des serpents, mais en même temps des plantes. Puis bon, autant du vert que du jaune avec des beaux dégradés. Alors c'est un peu mystérieux, je vous dirais. Aussi, on voit une espèce de carte en arrière avec un compas et un crayon avec une boîte avec des petites boules rouges et blanches. Mais je ne saurais dire ce que c'est. Peut-être des menthes. Peut-être. Des gommes. Peut-être. Et en arrière, qu'est-ce qu'on voit? Rien. C'est absolument noir. Rien. Ah, voilà. Et petite remarque à propos de cet album-là, c'est organisé comme un livre. Donc, un prologue avec des chapitres et une conclusion. Donc, chaque chapitre a un titre, un numéro de chapitre, mais chaque pièce ne va pas avec le numéro du chapitre. Puisque la prologue est la pièce numéro 1, le chapitre 1 est la pièce 2. Et voilà. Donc on va commencer par la prologue qui s'appelle « Theme to an Earthquake ». Mm-hmm. Et ensuite, le chapitre 1, « A Marine Biologist ». D'accord. Allons écouter ça. Voilà. J'attendais que ça fasse. Ça va être le fun, je pense. Ouais, ça va être amusant. The Darkest of the Hillside Thickets avec leur album de Shadow Out of Time, chapitre 1, Marine Biologist, dans la troisième heure. Peut-être quelque chose de meilleur que les deux premières. Ouais, on espère. Entre autres, puisqu'on va l'entendre, Galactique et Monster Bobby. Prêt pour un peu de nouveauté? C'est la chanson coureur Summer Spectacular au 7 Live. Ça s'en rend compte, c'est la chance au coureur 2007 Summer Spectacular ici à CFU 89 FM avec Mathieu Plante et moi-même Caroline Cloutier. Ben oui, oui, pour hey. La troisième heure de cette deuxième partie du Summer Spectacular. C'est ça, c'est comme le monde 2 niveau 3. Ouais, exactement. On a passé le niveau de la sauvegarde, on est rendu à la troisième heure, comme ça va très bien. Ouais, en fait on a passé la moitié de l'émission tantôt. Oui. Alors, la première moitié qui s'est avérée, en fait, les deux premiers tiers qui sont avérés moyens. Un petit peu plate. Je dirais non, dirais pas plate. Moi, j'irais jusque-là. En tout cas, non, mais on a eu de la bonne musique, c'était correct. Oui, on a eu de la bonne musique, on en a eu de la plus endormante, moins radiophonique, je dirais. Là. Moi, il me semble que depuis quelques. Mettons cette semaine, parce que la plupart c'était un petit peu plus léger. Non, en fait, c'était aussi très, très chargé. Là, deux semaines, c'était très léger. Alors, on dirait que les compagnies disques envoient tous leurs disques les mêmes semaines. On dirait qu'ils veulent tout sortir en même temps. Il y a des semaines qu'on reçoit 10 disques, il faut étirer la sauce pendant des heures et des heures, alors que les autres semaines, on en reçoit 50, 30, 40. C'est ça. Donc là, cette semaine, on a environ une quarantaine. On a fait passer au moins 12, 13, 14, 15 à date. Mm-hmm. Et là-dessus, peut-être qu'on en a eu 3, 4 de bons. On a mis des cœurs sur deux à date. Oui, on en a mis des cœurs sur deux. Kenny Mailer et puis Amos et Transparent. Exactement. Mais je crois que cela est dû à mon manque de jugement face aux albums, aux pochettes d'albums. Parce que quand je pige, je regarde si la pochette me plaît. Et quand elle me plaît, souvent, on le fait passer. Ben, c'est connu, t'es une fille extrêmement superficielle, tu sais. Oh! On passe tellement de pochettes d'albums. Mais bon, alors là, j'ai choisi encore là, des pochettes qui me tentaient, mais que j'ai un bon feeling. Ben moi, en tout cas, ça me donne une très bonne impression aussi. Oui. On a Galactique avec From the Corner to the Block. Et Monster Bobby. Monster Bobby. J'adore le nom. Avec un album Gaps, ou est-ce que c'est Gaps, le nom du band? Non, je crois que c'est Monster Bobby. On sait pas, hein? Je vais regarder dans mes feuilles, puis on s'en reparle après avoir écouté une pièce. On commence par contre avec Galactique. Oui, absolument. Avec voici la première pièce de l'album What You Need avec lyrics born de Galactique. À la chance! Au courage! Oh oui, que oui! Assez fou! 89 FM. You got to stop by the corner, man. You know I got what you need, man. You hit the jackpot, man, you in the end zone. How much you wanna spend, baby, so it depends on banjo strings and sando strings, hamstrings, canto strings, and couplets. Got bangos, kangos, and Cadillac handles. Come back next week, I'll teach y'all to tango. No hassle, man, no haggle, come on. Ain't nothing too shameful, this is my corner, baby. Ain't no prize painful, ain't no exchange, though. But I will take you down those pennies, pounds, and pesos. You want it, baby? And old lighters, I got clothes, dries, all riders, and coat hangers. I got needle nose pliers, front row to the globe trotters. You buy some one liners, I'm throwing some yo mamas. Oh, no credit, no credit, no pop. You'll be riding the style in a Honda low rider, but no time. No radio, but no ties. It's just exposed wires for the ride so quiet. Yeah, no violence. I told y'all before, man, you break it, you buy. Come on, make me an offer, baby, buy me out. All here on the corner, right here, right now. So what you need? What you need? You want it, baby? I got it. You need it, baby? Come get it. and it gone wild. But hey, then again, it's just reruns of old CNN. It's whatever y'all want, carte blanche. The vice president's book called Memoirs of a Heartthrob. Oh, your favorite is the song, paperback. Hell no, you can't take it back. You said Betamax. Come on now, people, I gotta pay the rent. Paperclips, shaving kids, razorettes, laser pens, bayonets, cigarettes, faded reds, and vinaigrette. I got some cable nets made by kids in Bangladesh. Letters, numbers, color shit, you can buy them all on the corner, right here, right now. I take gold calls, chase calls, green calls, the race calls, and any legal tender with a white man in the center. You want it, baby, I got it. Galactic avec What You Need with Lyrics Born de leur album From the Corner to the Block à la chanson Coureur. Ah, oh ouais. Bien sûr. Ça pourrait pas être ailleurs. Ben non. Donc Galactic, il parle un petit peu de ça. C'est du funk, rock, hip-hop. C'est vrai. Ça vient de la Nouvelle-Orléans, Louisiane. Et puis leur site web, c'est sur galacticfunk.com. Les membres sont Ben Hellman au saxophone et la harpe, Robert Mercurio à la basse, Stanton Moore à la batterie, Jeffrey Raines à la guitare et Richard Vogel au clavier. Il va être en spectacle un petit peu partout aux États-Unis. Je vois pas de date pour le Québec, mais quand même, peut-être un jour. C'est pas mal toutes les informations qu'on a sur Galactic. J'ai dit le site web galacticfunk.com ou myspace.com/blick Galactic avec un C, comme toujours. Mm-hmm. Voilà. Donc, je pense qu'on devrait peut-être écouter une deuxième pièce que ça va entendre. Ouais, ben je trouve que ça a beaucoup de potentiel. Moi aussi. Donc, on s'en va entendre la deuxième pièce de l'album And I'm Out et We're Out. À la chance coureur, hein, ou d'autres. C'est ou d'autres. Oui. Where c'est else? À la chance au coureur, c'est juste ça. Got my backpack, man. I can't be sticking around here no more. Nah, son, I gotta keep it moving. And I'm out of here. Walking down the street, I met this young cat. He asked me for one rap. I told him I could do that. He knew that I had the skill to build and paint a picture or a portrait. So I thought it manifested a mural. He said I'm thorough. People around were attracted to the scene, so they stepped in to talk about their visions and dreams. It's not offered enough. You see a group of black men outside chilling, refining their ideas and building. The cops saw us from afar, thought we were a gang threat. Next thing, there's badges and guns. A brother tried to run, made it worse. Said the shit just like they rehearsed. Next one of y'all, the move is gonna win a free hearse. I'm in shock now, couldn't watch my people get locked down. Said some smart shit, oh you really wanna start shit. Face down on the concrete, my physique. Anger's at a peak, had to lay like I was asleep. Got frisked head to toe, you're looking for the drone. Had some money on me and they robbed me for my dough. At this point I'm wildin', I couldn't stay silent. They hit me with a gun like I'm the one who was violent. Tell me why this type of day's coming for the young black male. Guess who spent the night in jail? Son, I'm never knowing where these days will take me. I'm nervous, my life has been crazy lately. Living in fear ain't living at all. So I got my bags packed and I'm out, y'all. Girl, I'm never knowing where these days will take me. I'm nervous, my life has been crazy lately. Living in fear ain't living at all. So I got my bags packed and I'm out. Standing at my door, impatient, sick of waiting, hating the situation. I'm sweating, pacing, wanting to knock the driver's face in. He arrived, just see, avoided my wrath. Throw the bags in the trunk fast, lean on the gas. Less jet, best bet, take the highway. Damn, now there's a traffic jam ruining my day. Hit the exit, time to dip through the slums where the blood runs thick. And it's evident society's sick. Slick how they freed us just to keep us lower than low. There's some places the cops won't go. And the buildings were boarded up and bombed out shells. Hell on earth, the church is offering a rebirth. For what it's worth, we're chilling at a stoplight. Broad daylight, I guess these brothers do whatever they like. Cause they step to the driver hard, making demands. See a taxi carries cash, that means it's money in hand. And the green means you're eating, eating greens with your fam. Try to stall or talk at all, you know those pistols are blam. The driver panicked, jittered and acted frantic. I told him play it cool and then removed it from the planet. I shouldn't have spoke, he turned around and they fired around. Point blank, the cat is done, man down. Son, I'm never knowing where these days will take me. I'm nervous, my life has been crazy lately. Living in fear ain't living at all. So I got my bags packed and I'm out, y'all. my bags packed and I'm out, no doubt. Yeah, I know you want me to stay, but you know what, I'm out of here, yo. I gotta go, I got my bags packed and I'm out, show. I said I got my bags packed and I'm out. I got my bags packed and I'm out, show. I said I got my bags packed and I'm out, show. I gotta go. Galactic avec L.I.M. Out with Mr. Liff de l'album From the Corner to the Block. Maintenant, on enchaîne. Oui, on enchaîne avec Monster Bobby. On sait pas ce que c'est encore. On sait pas ce que c'est. Tout ce que j'ai comme indication, c'est que c'est du indie rock. Et que les pièces s'enchaînent une dans l'autre. Oui. Donc, l'intro qui joue là, là, il lui reste 15 secondes à Fresh Start. Ah, OK. Donc, on va aller entendre la pièce 2 dans 12 secondes. La pièce 2, « The closest experience to that of being with you is the experience of taking drugs. » Ça va être intéressant? Ouais. Ça décrit bien notre expérience à la chance de pouvoir. I'm so excited and I just can't hide it. On s'en reparle. En train d'écouter l'album de Monster Bobby qui s'appelle Gaps. Et ça, c'était la pièce « The closest experience to that of being with you is the experience of taking drugs ». Ouais, c'est un titre assez intéressant, à mon avis. Mm-hmm. La prochaine s'appelle « The Postcard ». J'étais en train de chercher des infos sur Monster Bobby, sur mon espace. Ton espace. Et je vois juste un groupe de Christian rap. Mais je crois pas que ce soit le cas de Monster Bobby. C'est moi qui ai blagué. C'est juste moi où le rap et le christianisme sont des opposés tellement que... Ouais, un hommage rythmé. Parolé à Jésus. C'est Jésus qui a de la bouche. Pour ça, ça fait. Non. We had pizza in Milano and reindeer in Helsinki. We had to get a hotel. The bus was awful stinky. I sent you a postcard almost every time we went to. Told you that I missed you so in every card I sent you. And your occasional SMS messages will always make me smile. Many lonely nights are while away thinking of you. As you tear holes in my shirt, you fill the holes up in my heart. It tears me to pieces every time we part. I love you, I love you, I love you, my darling. From the bottom of my heart. And the sound of your voice on the telephone will always make me smile. Still most every night I'll while away thinking of you. La pièce de Postcard de Monster Bobby sur cette ambiance de ruelle. Je crois que ça mérite un cœur. Oui, hein? Moi, j'ai vraiment aimé ça aussi. Moi aussi. Je pense même qu'on va aller entendre d'autres pièces. Elles sont tellement courtes. Ouais, ben c'est ça. C'est quoi, une 2 minutes peut-être? Genre. Il y en a en tout 17 sur l'album. Ouais. On va la laisser aller celle-là avec son ambiance en fond pendant qu'on écoute la quatrième Blablabla Give Up et qu'on parle un petit peu du groupe. Pourquoi pas? Donc, Monster Bobby, aussi connu sous le nom de Bobby Berry, il est né Robert Berry en 1981. C'est un artiste solo, un artiste recording artist, donc une personne qui fait de la musique comme ça, signé à l'étiquette new-yorkaise Hypnote Recording Concern. Il participe aussi dans le groupe, le girl group du Royaume-Uni qui s'appelle Les Pipettes. Les Pipettes, oui. Les Pipettes. Monster Bobby est la personne qui écrit les chansons principalement pour Les Pipettes. Il est aussi le guitariste des Cassettes, leur backup musicians, c'est des garçons. Leur backup musicians. J'imagine que c'est les gars qui suivent Les Pipettes en concert et qui jouent en arrière. Je sais pas. Et puis, c'est à peu près ça pour Les Pipettes et puis les autres. Le travail, tout ce qu'il fait de solo, Bobby Monster Bobby, j'ai un petit peu de difficulté à traduire avec la musique qui joue en arrière de moi, vous allez m'excuser. Tout ce qu'il fait de solo, c'est un mix conceptuel de samples électroniques, donc de l'échantillonnage, des paroles bizarres et des influences intellectuelles avant-garde. Très différente du groupe Les Pipettes, donc le groupe féminin de bonne humeur et enjoué. Moi, ce que j'ai par rapport à ces samples électroniques, ouais, c'est que c'est une... ben, je sais pas si c'est une boîte quelconque, mais elle s'appelle Dr. Sample. Ah! Et puis, en show, il joue avec sa guitare acoustique et Dr. Sample, et ils font comme une interaction entre les deux. OK. C'est tout ce que j'ai. C'est intriguant, hein? Mais en fait, c'était juste une parenthèse. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Tu peux continuer. Ah, il n'y avait rien de très important. Sauf que ça dit que la musique de Monster Bobby dit être aussi affectée que Freud. Hein? Par Freud. Aussi affectée par Freud. Mm-hmm. Que par The Human League, The Archies et S-Express. Donc, c'est ses inspirations. C'est intéressant. Freud. Wow, on est tellement bon avec les informations ici. pour plus d'informations sur Monster Bobby, allez voir le hypnote.com. Pendant qu'on écoute la cinquième pièce de l'album, voici Last Stop Oil Change. À la chance. Au courant. The train is coming in, so the race can begin. I just wanna find a place where I can sit on my own. Something I can't condone. We're at the end of the line, and my tether with only slight delays. This is the final station stop. All change, all change. J'aime ça le concept d'avoir un album que les pièces s'enchaînent dans l'autre. Mais c'est mail, hein? Oui, et il y a toujours de l'ambiance à la fin des pièces, donc dans le fond, c'est un petit peu inutile. On s'en va entendre une dernière pièce, parce que ça va quand même faire un peu. La sixième s'appelle 3 Days, 14 Hours, à la chance au coureur, Summer Spectacular! On buses, planes, trains, I road. Countrywide, no we don't. But now I'm just 3 days and 14 hours away from being back. Just 3 days. 14 Hours. C'est dommage que ce soit si court comme pièce. C'est vrai, hein, parce que ouais, c'était très bon, ça. Oui, c'est très bon. Un peu comme le reste. Et ça continue même, gars. On pourrait le laisser continuer pendant qu'on parle. Ouais, ben oui, pourquoi pas. Ouais, ouais. Donc, Monster Bobby, l'album s'appelle... Gaps. Effectivement, l'album s'appelle Gaps. Et bon, que dire à propos de Monster Bobby, à part le fait que... c'est un humour intelligent qu'on propose dans les paroles, ce qu'on dit sur son sur sa feuille que j'ai présentement devant moi. Son document de presse. Exactement. Par la compagnie qui distribue le disque. Ouais. Dans puis, ce cas-ci, on peut croire. Et puis oui, ce qu'on dit aussi, bon, c'est des mélodies qui accrochent, des mélodies accrocheuses, ce qu'on a pu remarquer effectivement en l'écoutant. Ouais. Et aussi que l'album a été enregistré majoritairement dans la chambre d'un de ses amis. mais ils ont quand même passé une petite période de temps en studio pour enregistrer des vrais instruments comme le basson, le glockenspiel, le tuba et le piccolo. Intéressant. Très intéressant. Accrocheur, mais les pièces sont tellement courtes que c'est difficile d'accrocher plus longtemps. C'est que, ça. 32 secondes. Enfin bon. Donc, encore une fois, l'album, c'est Gaps de Monster Bobby. Pour plus d'informations, unechance.com. Les liens sont tous là, toujours. On passe à un autre groupe que tu viens de piger comme ça dans notre caisse de nouveautés. Effectivement, j'ai pigé de Holyzoist. Je crois que je le dis bien. Holyzoist. L'album s'appelle La Nouvelle Gauche. Par contre, je crois pas que ce soit du franco. Je non, penserais pas. Le multi-instrumentaliste qui a composé l'album majoritairement s'appelle Paul O'Quinn, donc c'est quand même francophone comme nom. On dit qu'il vient de la Nouvelle-Écosse. Donc, leur premier album s'était appelé La fin du monde. Ça, c'est leur deuxième album, La Nouvelle Gauche. Et le troisième s'appellera L'île des sept villes. C'est déjà prévu d'avance. Oui, et ça va paraître au début 2008. D'accord. On écoute la pièce, la première de l'album. Voici The Illusoist. Leur pièce éponyme. C'est ça. À la chance. Au courant. Plus de Holyzoist à la chance au coureur sur les ondes de Sifu 89.1 FM. Zoist. Avec leur album La Nouvelle Gauche et la pièce New Realms of Vibration Translation, précédée de leur pièce éponyme de Hylozoists. Hylozoists. On peut dire en français, je pense. Les Hylozoists. Ouais. OK. On passe à un autre album que tu viens tout juste de piger dans la caisse de nouveautés. Oui, j'ai pigé The First Aid Kit, qui nous propose de faire jouer les pièces 1 et 5. Alors, c'est ce que tu feras. Vos souhaits seront exaucés. Alors, on dit que c'est un groupe de rock and roll qui rencontre le indie et le pop. Alors, c'est ce qu'on ira voir. C'est un EP de seulement 5 pièces. Hein? Oui, absolument. Et puis, on dit que ils viennent de plusieurs endroits, bon, d'Ontario, de Nouvelle-Écosse et de Californie, mais ils vivent tous présentement en Nouvelle-Écosse. C'est peut-être des voisins des Hylozoïs? Ça se peut, ça se peut. On sait pas, ça pourrait arriver. Ben oui, il y a des chances. Peut-être que c'est des groupes qu'on a déjà joués ensemble dans les shows locaux. Summer, ça s'annonce palmarès, ça, ouais, je pense. Oui, ça s'annonce très palmarès. Ça pue le palmarès. Je pense que ça mérite un gros cœur. Oui, et ça mérite une deuxième pièce. Voici Sleepwalk et une troisième tantôt. Hein? Ouais. Hey. On fait ça de même, ça. On est surprenant comme ça. C'est ça. I've been seeing you sleep. And I've been hearing you talk, jive, baby. I've been hearing you speak. And I've been hearing your full story, baby. I've been hearing you speak. C'est fou. 89.1 FM. À la chance au coureur, ce que je crois qu'il va être notre coureur de la semaine. Ben, ça a bien des chances. Ouais. Hein. C'est très, très bon. J'apprécie beaucoup. Je trouve ça rafraîchissant. Mm-hmm. Ça passe fait... très bien dans mes oreilles. Oui, ça fait été, ça fait palmarès, ça ouais. fait c'est fou. Ça... ça fit. Ça fit. Oui, oh. Alors, The First Aid Kit, qui est composé de Connor Hensey, Matt Davison, Craig Cossier, Amy Bolivar et Daryl Smith. Comme je disais un peu plus tôt, ils sont basés à Halifax, mais certains sont originaires d'aussi loin que la Californie ou l'Ontario. Et puis, ils vont être en spectacle au pub Agus, au Goss Pub, donc à Halifax, le 17 août. Et sinon, ils disent qu'ils vont prévoir une tournée dans l'Est du Canada bientôt avant de s'en aller vers l'Ontario. Est-ce que tu as le site web avec toi? J'ai le site web, effectivement, le myspace.com/TheFirstAidKit. Ah! Ça, c'est original. Ouais. Il nous reste quelques petits albums pour cette semaine. En fait, il nous en reste des dizaines, mais pour la fin de cette émission-ci, on va vous garder quelques albums pour les semaines suivantes. Oui. On s'en va entendre la formation de Hemingway Solution avec un album très minimaliste. Oui, ben en fait, c'est un single qui s'appelle Single. Ben, en fait, il y a un titre. Ah, OK. C'est pas écrit sur l'album, c'est bizarre, mais à l'intérieur, ça dit Du Grand Nord Blanc arrive de Hemingway Solution avec leur étonnant premier single, That 60s Pop Tune, la prélude de leur futur album de 4 pièces qui va sortir très bientôt. D'accord. Donc, on retrouve David Guthrie à la bass et les frères George et Pete Niculescu à la lead vocal et guitare pour George et Pete qui fait la batterie. Ils grandissent au-delà de leurs racines emo et entrent dans l'océan sonique vaste du indie rock. Leur single ça dit que ça ressemble aux fantômes des garages des années 60. Ah bon? Du début des années 60. C'est très intriguant. Le producteur est Brian Moncars, qui permet aux bands d'évoluer sans perdre leur énergie originale et ensuite les place sur une nouvelle fondation pour grandir. Il faut s'attendre à de grandes choses dans le futur de la part de ce trio qui se proclame eux-mêmes les idiots les plus intelligents du monde. Donc, j'aime bien leur petit texte comme ça. Mm-hmm. Petit texte d'ailleurs qui est le fun parce qu'un petit peu comme derrière de la pochette, il y a des fautes surlignées. C'est pas un obus. Je trouve ça mignon, c'est un beau concept. Ouais. À l'arrière, ils ont écrit Hemingway avec deux M puis ils l'ont barré pour mettre un seul M. Enfin bon. Leur site web, c'est myspace.com/TheHemingwaySolution et on s'en va entendre leur 60s Pop Tune. À la chambre! Au cours sur les ondes de Sifu. Summer Spectacular. Quand j'ai craché des trois fois en 10 ans, mais c'est tellement un nom excitant qu'il faut que tu dises avec énergie. Summer Spectacular au Seven Lair. Solution avec leur pièce That 60s Pop Tune à la chance. Au courant, c'est un single. On attend leur album de 4 pièces dans le futur approché. Oui, effectivement. On espère. Qu'est-ce qu'on a aimé depuis le début de l'émission? On a aimé beaucoup de choses. On a aimé beaucoup de choses. 3, 4, 5 choses, je dirais. Environ. T'as aimé Kenny Mailer? J'ai aimé Kenny Mailer et aussi... Amos. Amos. The Transparent. Oui, exactement. Je trouvais plus le nom, mais c'est ça. Tout à l'heure, on a aimé The Allosaurus. The First Aid Kit, on a entendu du Monster Bobby qui était Monster très bon. Monster Bobby, oui. Galactic, c'était pas si mal. Ouais. The Darkest of the Hillside Tickets. Custard Wally, un petit peu moins. Maître J, pas du tout. Mick est tout seul, moyen. Moyen. Et le reste, on en a déjà parlé un petit peu tantôt. Ouais. Belle émission. Ouais, quand même, belle émission. Assez variée, je te dirais. On a passé bon, beaucoup plus d'anglo que de franco. On n'a pas beaucoup de franco cette semaine. Vraiment pas. Et ce qu'on avait, c'était du pas mal mauvais, genre la compagnie créole et M. Darèche. Ouais, M. Darèche. On avait pas le vexer. On avait aussi une compilation qui semblait francophone, mais que c'était plus de l'Afrique que d'autres choses. Exactement. On a eu aussi du rap francophone. Oui, du rap francophone. Maître J. On avait également reçu Cyrano de Montréal. Mm-hmm. On a sauté par-dessus beaucoup de choses cette semaine, oui. Donc on a de la place pour une autre émission peut-être la semaine prochaine remplie de nouveautés géniales. J'espère qu'on se va plus intéressantes les unes que les autres. J'espère qu'ils vont se calmer les compagnies de disques pour nous laisser finir ce qu'on a déjà entamé parce qu'on veut les entendre. Oui. Je te remercie beaucoup Caroline d'avoir été là. Ben écoute, ça m'a fait un grand plaisir de venir et puis à la prochaine. Oui. Ben oui, on va se quitter sur Tone Gat avec l'album You Could Be avec leur pièce titre. Je t'avais quelques infos. Oui, très rapidement. Tone Gat, c'est un trio instrumental de Montréal, donc pas très loin de chez nous. La musique est construite principalement de batterie, de clavier et de cordes français. On dit également que Tone Gat dégage les mêmes essences que le post-rock avec leur grande qualité cinématographique, mais le trio a un son moins sombre et mélancolique que la plupart des groupes du genre et fait ce qu'on pourrait appeler de la pop de chambre, avec ses mélodies joyeuses et entraînantes inspirées par la fantaisie enfantine, tout en gardant la constance dans l'émotion. Ouh. C'est ce qu'on dit de Tone Gat. Donc, on va aller entendre leur pièce titre de Tone Gat, You Could Be. Alors que moi, ben, je vous dis qu'on se retrouve à La Connexion et au Palmarès C'est Fou et que la chance au courant est en direct le vendredi matin à 10h, oui, et les samedis et mardis en rediffusion à 14h. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye.